Donc, nous accueillons Denis Rer, qui va nous parler de l'anarchisme dans l'œuvre de Jean Genoux, suite à une thèse qu'elle a écrite, bien sûr, et qu'elle a soutenue il y a à peu près un an. Juin 2000. Voilà. Ah, un peu plus alors, juin 2000. Et qui vient d'être éditée chez Septentrion, voilà. Il y en a qui veulent prendre les références, ou que ça peut intéresser. Alors, Denise Rer est enseignante à l'heure actuelle, prof de lettres, près d'Aix, je ne sais plus. Oui, lycée Zola. Voilà, lycée Zola. Elle a un parcours un petit peu... Atypique. Voilà, atypique, j'allais dire chaotique, mais ce serait un peu trop... Non. Atypique. C'était le mot qui me venait. Chaotique, c'est un peu exagéré. Donc atypique, puisqu'elle a commencé à travailler, enfin, elle a arrêté ses études pour travailler dans l'industrie. Et puis elle a repris ses études, la quarantaine passée, et ce qui fait qu'une fois qu'elle les a repris pour aller jusqu'au diplôme d'enseignante, bien sûr, au concours, et ben elle ne les a pas arrêtés, et c'est pour ça qu'elle a été jusqu'à la thèse. Voilà. J'ai contacté Denise Rer sans la connaître, parce que je connais par contre la personne qui a le professeur d'université qui l'a dirigé pendant sa thèse. Et qui s'appelle André Noz, qui aurait dû être présent aujourd'hui et qui malheureusement ne peut pas être. Peut-être qu'ultérieurement il viendra lui aussi faire une petite causerie, peut-être sur la littérature prolétarienne. Donc il faut dire qu'on a, fait récemment un colloque sur la littérature prolétarienne, enfin, un petit peu par mon truchement, disons. J'ai fait rencontrer André Noz, qui est donc mon directeur de thèse de l'Université de Provence, avec Jérôme Radvan, qui est responsable du centre des archives Henri Poulaille à Cachan. Et comme dans ma thèse, dans le tome 3, en appendice, j'ai joint l'ouvrage manuscrit de Henri Poulaille, qui était inédit jusqu'à présent, « Pendant la panique ». Donc ça m'a permis en fait de faire rencontrer ces deux personnes, et on a organisé ce colloque là le 24 novembre, je crois, oui, où on a parlé de littérature prolétarienne. Je crois qu'il y a des entrefilets qui sont parus dans votre bulletin 25. Et c'est vrai que ça a été très intéressant et on a essayé de parler peuple. Bon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, si vous voulez, en deuxième phase. Je ne sais pas, tu as terminé? Oui, oui. Voilà. Vous ne voulez pas parler de plus gros sur l'Atlantide? Exact. Ouais. Donc je reviens en arrière. Désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu il y a 15 jours, mais nous lançons un appel à solidarité pour des copains argentins, enfin une bibliothèque un petit peu similaire à la nôtre à Buenos Aires, en Argentine, qui sont évidemment, compte tenu de la situation actuelle, dans la panade. Nous avons eu un contact direct grâce à voilà, grâce à Eduardo Colombo, qui est un petit argentin qui vit à Paris maintenant. Et donc nous avons eu un contact direct grâce à lui, d'une dame, qui repartait vers l'Argentine. Donc on a pu lui donner directement l'argent. On lui a donné une certaine somme en dollars pour être certain de ne pas avoir de soucis. Voilà, donc du coup le CIRA a fait l'avance sur cette... les copains du CIRA ont fait l'avance sur cette action. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour donner quelque chose, vous auriez trésorier à la fin. Voilà, merci. Voilà, moi je vous donnerai une information. Un membre du CIRA qui s'appelle Henri Portier qui nous l'a donné, c'est une table ronde qui aura lieu le mercredi 6 mars à Aix-en-Provence, à la Cité du Livre, la salle Armand Linel, sur le thème « Enfants, école, quelle violence ?». Alors donc, il y a une table ronde à laquelle participera notre ami Henri Portier, qui est historien et spécialiste du mouvement freiné. Et il y aura également, à la suite, ça commence à 14h30, et à la suite de la table ronde, il y a la projection d'un film qu'a réalisé justement Henri Portier sur Célestin Freiné. Il y a quelques papiers comme ça sur la table, si... Voilà, merci. Dernière chose, toujours le 6 mars, puisque ça peut peut-être intéresser quelqu'un qui irait à Paris ou qui aurait envie d'aller à Paris. Il y a une pièce de théâtre qui a lieu au théâtre Essaillon à Paris. Ça s'appelle Le procès du général de Sarès, qui a été monté par José Valverde, qui est un peu copain. Et on organise une soirée réservée aux copains pacifistes, anarchistes, etc. mercredi prochain. C'est 20 euros l'heure. Voilà, on peut redonner la parole à Denise. En plus, cet intermède a permis à quelques retardataires d'être sur la grève. Ça commence. À vrai dire, je ne sais pas trop comment procéder. Si je dois commencer, moi, à parler au risque un peu de paraître longue, ou alors de vous donner peut-être tout de suite la parole et de vous interpeller rien que par le titre de ma thèse, c'est-à-dire anarchisme et anarchie dans l'œuvre de Jean Giono. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Pourquoi cette distinction anarchisme-anarchie? D'autre part, est-ce qu'il y a des connaisseurs de l'œuvre de Jean Giono? Ça m'intéresserait aussi pour après mener les débats, voir un peu comment je peux dérouler cette causerie, entre guillemets. Sachant que, bon, si vous souhaitez que je parle tout de suite, je peux le faire. Dans la mesure où, bon, je vais vous parler un petit peu bon, de la démarche qui a prévalu. Et puis, je souhaiterais, et j'ai demandé à Marie-Vonne de le faire, et à Robert ici présent, de tous les deux alterner pour éventuellement lire, si ça vous intéresse, un passage du Poids du Ciel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Poids du Ciel de Giono, qui fait partie donc de ses écrits pacifistes écrits entre 1935 et 1939. Ce sont un peu les coups de gueule de Jean Giono de l'époque. Et il y a un passage qui est vraiment très central dans le Poids du Ciel et qui s'appelle Soliloque dans le campement de la montagne. Alors il y a à peu près une quinzaine de pages. Ça serait peut-être intéressant que vous le lisiez pour qu'on entende aussi parler l'auteur, hein, je pense. Et puis ensuite, j'avais décidé, après, on peut faire des pauses, on peut interrompre, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, je crois, plutôt que de faire ça de façon très didactique, on peut faire des pauses. Et ensuite, je vous parlerai peut-être plutôt de la deuxième partie, alors ce qui est l'appendice dans ma thèse, c'est-à-dire la dernière partie, la partie 3, et qui est donc cet ouvrage de Henri Poulaille que j'ai tapuscrit en fait, et qui était un peu l'arlésienne dans le monde des gionistes. C'est-à-dire qu'on en parlait, et personne ne le voyait, bien sûr, parce qu'il fallait aller à Cachan. Et on n'avait que des vagues idées grâce à Pierre Citron, par l'intermédiaire de Pierre Citron, qui est très injuste avec Henri Poulaille. Et donc j'ai fait ce travail de retranscription, c'est-à-dire à peu près 400 pages manuscrites d'Henri Poulaille. Et j'ai oublié, de vous apporter une de ces pages écrite pour vous montrer le travail de titan que ça a été. D'ailleurs, on s'y est mis à deux et ça nous a pris plus d'un an à deux. Week-end, vacances, enfin bon, c'était pas rien. Et puis, sachant surtout que l'auteur n'était pas là pour relire, pour éventuellement gommer ce qu'il aurait aimé gommer, c'est quand même pas évident de prendre un ouvrage comme ça posthume et puis de le retranscrire. Et ça nous a pris du temps. Alors Jérôme Radvan, qui est donc le responsable du centre à Henri Poulaille, nous a aidés, mais bon, il a fait une relecture un peu rapide. Il y a quand même pas mal d'errata après tout, et les errata, je les ai joints à la fin suite à une autre thèse d'un gioniste et qui m'a aidé, mais après coup, une fois qu'on avait fait tous les deux nos thèses. Donc vous savez que c'est très secret avant, hein, personne ne se dit rien. Une fois que tout sort, et bien comme par hasard, ben, tu vois, là il y a une erreur, là il y a ci, là il y a ça. C'est bien dommage que ce travail ne se fasse pas avant, mais après. Bon, c'est ainsi. Voilà, alors je ne sais pas, j'ai envie de vous quand même de vous donner la parole, peut-être en avance de phase. Qui connaît bien, enfin bien, c'est un grand mot, hein, l'œuvre de Giono, ou du moins un peu. Est-ce que vous êtes... N'ayez pas honte, parce que je vais vous dire pourquoi. Attendez, je dis encore une chose. Moi, Giono, mais vraiment, j'en avais rien à faire. Pour vous dire, je suis de la région lyonnaise. À 20 ans, j'ai lu Colline, et ça m'a tellement saoulée. J'ai dit, Giono, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai plus entendu parler, Giono, jusqu'à 5 ans, 6 ans en arrière. Et le responsable, comme dit Jacques Chabot, qui était président du jury, c'est lui. Donc, moi, à l'époque, je préférais Gide. J'avais tout lu Gide, mais Giono, ça ne m'avait pas passionné. Donc, arriver comme ça à faire une thèse sur Giono, j'ai pas honte de le dire, c'était pas ma tasse de thé première. Donc, ne vous gênez pas, je vous ai coupé, je crois. Et... Oui. Vous avez des tendances donc anarchistes dans des œuvres connues ou c'est des écrits vraiment particuliers où là il s'est lâché politiquement. Oui. Donc savoir s'il y a les deux, s'il n'y a que une partie donc qui a vraiment dirigé politiquement ou si c'est aussi dans des écrits de tout venant, quoi, les écrits qu'on connaît. Les romans. Ouais. Bien sûr, il y a les deux. Il y a les deux. Ma thèse, elle, d'ailleurs, c'est le... Enfin, c'est la réflexion qu'ils ont faite au niveau du jury, c'est que ça balayait toute l'œuvre. Et j'ai pris aussi bien les romans dits de la première manière que les écrits pacifistes de 35 à 39, et ensuite la deuxième manière, tout ça entre guillemets, des chroniques. Et c'est là que vient ma distinction anarchisme et anarchie. Mais j'y reviendrai dans mon introduction. Oui, c'est voilà. Pardon. Vous demandez à citer chaque fois, quand vous faites une citation, vous dire dans quelle partie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. La période 35-39, c'est la période de Contadour. Voilà, c'est la période contadourienne. Et, oui. Oui, avec Lucien Jacques. Voilà. Oui. Les cahiers de l'artisan. Alors, pas vraiment beaucoup. J'ai une chose à vous dire, et c'est grâce un peu au CIRA et au collègue là qui a fait sa thèse aussi. Dernièrement, il me dit, il paraît qu'il... Enfin, c'est pas qu'il paraît, il était sûr que le premier texte, que la première critique dans les articles de presse avait été faite dans le Libertaire du 19 août 1924. Et il m'a dit, tu te rends compte comme ça apporte de l'eau à ton moulin? Alors j'ai dit, oui, effectivement, et c'est grâce à Marie-Vonne et à Philippe qui ont contacté à Amsterdam, en fait. Et effectivement, voilà l'article qui est paru dans le Libertaire du 19 août 24 et qui parle de accompagner de la flûte. C'est un des premiers textes de Giono. Ce sont surtout des textes poétiques. Et accompagner de la flûte, c'est à ce moment-là qu'il publiait dans La Criée à Marseille Lucien Jacques, Henri Poulaille et lui-même. Et bon, Giono s'est avéré très vite piètre poète, mais dans son œuvre transparaît quand même toute une prose poétique qui est importante. Alors accompagné de la flûte, voilà, et on parle des cahiers de l'artisan. On peut le lire peut-être, non? Ça vous intéresse que je lise cet article du Libertaire? Alors voilà, ça s'appelle La vie des lettres, les cahiers de l'artisan. Les cahiers de l'artisan dont les premiers fascicules poétiques fleurirent discrètement dans l'ombre parisienne de Saint-Germain-des-Prés reparaissent transplantés sous le ciel de Provence. Ils ont acquis à ce changement une neuve vigueur qui désormais leur permettra de se dédoubler et d'atteindre le public sous deux formes. L'ancienne d'abord, c'est-à-dire le cahier connu sur beau papier, grand format, avec sa typographie soignée, ses frontispices sur bois et l'intérêt de ses textes, et sous la forme mensuelle des petits cahiers de l'artisan de 8 à 16 pages sur bon papier avec vignettes gravées et qui alternativement offriront au lecteur un choix d'un poète ou un petit ensemble de poèmes signés de noms différents sur un sujet donné. Les cahiers de l'artisan nous offrent aujourd'hui les poèmes en prose de Jean Giono accompagnés de la flûte. Poème orné d'un remarquable bois gravé de Lucien Jacques, le poète rare de la Pâque dans la Grange. Monsieur Jean Giono, au siècle trépidant et affairé que nous vivons, se complaît dans la lecture des anciens. Sa poésie sereine et fraîche aime les évocations lointaines et les visions floues du passé. Une grâce exquise se révèle dans les images, écoutez-le. Soit qu'elle descende au milieu des fleurs du verger ou qu'elle sinue entre les roseaux, cette haleine que tu crois être le vent est soufflée par le Dieu assis là-haut sur la colline au milieu des sauges du ciel. Vous voyez ? Sauges du ciel ? Hein ? C'est ça ? Bon, ça fait bizarre, non ? Nul n'a démêlé encore les chevaux de ses désirs. Quand nous avons essayé de lui sacrifier un chevreau blanc, il a gémi, sa force épouvantable a fracassé les peupliers au long de la rivière. Mais pour les vendanges dernières, quand titubant sous le poids de Bacchus, nous avons attendu, je suppose, en nous moquant de lui des masques d'argile ridicules aux branches basses des cyprès, il y a ce dieu sauvage qui fait courir dans l'air frais l'essence même de l'amour mélangée au parfum des roses. Ne le cherche pas, écoute, et vois sous sa voix musicienne qui goutte à goutte ce soir suinte à travers les pins, s'émouvoir les petites gueules blanches de ce chèvrefeuille et se lever la silencieuse houle des oliviers argentés. Alors, les cahiers de l'artisan sont une œuvre d'art et l'art désintéressé est assez rare aujourd'hui pour qu'on applaudisse ces derniers fidèles, signé Georges Vidal. Le 19 août 24. Voilà. Bon, ça répond un petit peu d'autres interventions qui seraient peut-être intéressantes. Questions ? Non ? Bon, ben j'y vais alors. C'est toi qui déclencheras les questions. Alors. Je vais y aller, puis, je sais pas, vous m'interromprez, vous verrez. L'idée de parler d'anarchisme à propos de Jean Giono peut paraître banale, dans la mesure où l'anarchisme semble faire partie d'une tradition familiale. Il y a d'abord le grand-père, Pierre-Antoine, enrôlé dans la Légion sous le nom de Jean-Baptiste, précurseur ainsi de la lignée des Jean, qui participe au mouvement de révolte en Sardaigne vers 1830. Il aurait déserté en fait à deux reprises comme maréchal des logis de gendarmerie près de Gênes et comme légionnaire en Algérie, où il soignait les malades à l'hôpital militaire du Dé en Alger. Cet errant, qui se retrouve dans le sud de la France à Saint-Chamas et qui, après avoir fondé une famille, aurait eu la passion du jeu, est à l'origine, par tradition orale interposée, de tout un fantasme imaginaire chez le jeune Jean. Vie mouvementée et hors du commun, dangereuse, engagée pour la cause libertaire. Si l'image du grand-père est probablement enjolivée, elle influence cependant le Giono engagé de 1937, comme l'affirme Pierre Citron, dans ce bouquin-là, que je recommande quand même s'il y a pas mal d'erreurs maintenant. C'est quand même le livre de référence. Alors voilà ce que dit Pierre Citron. En 1936-37, la figure du Carbonaro se dressant contre l'ordre établi, contre la puissance opprimante et sans nul doute positive pour Giono, elle correspond à la fois à la figure de l'anarchiste selon la tradition paternelle dont il est imprégné et à la révolte de Giono lui-même contre l'obéissance au pouvoir telle qu'elle se manifeste chez lui de 1936 à 1939. Lorsque Giono dit dans son journal du 1er mai 1935, j'insiste quand même sur ces dates qui sont très, très tôt dans le temps par rapport à... Il faut se replacer aussi dans le contexte d'avant-guerre. À l'époque, c'était plutôt les communistes et pas les anarchistes quand même. Hein, voilà. 1er mai 1935, je recherche le rythme mouvant et le désordre. Le rythme mouvant et le désordre. Alors ça, c'est tiré donc dans son journal, tome 8, ici, là, le journal de la Pléiade, page 9. Phrase qui sera reprise avec « Je chante » à la fin de la nouvelle aux sources même de l'espérance dans le recueil de l'eau vive, où il s'affirme indéniablement un anarchiste. Le vocable anarchie, et ça je ne vais pas vous l'apprendre, dérive bien sûr du grec ancien anarchia, qui signifie absence de chef, absence d'autorité. Mais le préjugé, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas se passer de chef, a fait qu'anarchie a été pris bien sûr dans le sens souvent péjoratif de désordre, de chaos et de désorganisation. Et pourtant, il doit être entendu, à l'instar bien sûr des grands comme Proudhon, dans son sens strictement étymologique, seul. Une société sans gouvernement âne arché, avec le privatif âne et le substantif arché, peut rétablir l'ordre naturel et restaurer l'harmonie sociale. Donc, le chaos de l'anarchie induit un retour à un ordre premier, si je puis dire, un ordre premier, mais bon, dans la mesure aussi où arché veut dire, comme autre sens, commencement, origine, point de départ. Et ça, je trouvais que c'était important de faire le rapprochement entre les deux. Tout désordre anarchique n'est consenti que dans l'unique objectif de retrouver l'ordre naturel du monde, en opposition à l'ordre artificiel imposé par l'autorité. L'anarchie, bon, est l'unité vraie par rapport à l'unité fausse qu'engendre toute forme de contrainte. Et la pensée proudhonienne affirme que l'anarchie, et ça vous le savez, c'est la société organisée, vivante, le plus haut degré de liberté et d'ordre auquel l'humanité puisse parvenir. Giono, quant à lui, est bien cet anarchiste qui retient du mot anarchie le sens positif de retour aux origines et non le sens négatif de désordre, quand il reconnaît dans son voyage en Italie, hein, c'est un ouvrage qu'il a écrit, voyage initiatique pour découvrir, certes, les paysages de l'Italie dont lui parlait le père, mais aussi les racines de la branche paternelle. Alors il s'exprime ainsi, « Il y a aussi mon fameux grand-père, il est mort 50 ans avant que je naisse, jour pour jour. Il est né en 1795 au mois de mars et moi en 1895 au mois de mars, nous avons juste 100 ans de différence. Mais il m'intéresse depuis longtemps et profondément. À 7-8 ans, je montais le soir à travers notre vieille maison obscure, pleine de cachettes, de recoins, d'où je m'attendais à chaque instant à voir surgir ces rouleurs de prunelles, ces grinceurs de dents, ces piémontais moustachus qui avaient été les compagnons de ce forban révolutionnaire. Je n'avais à la main qu'une lampe dite pigeon et son petit globe de verre grelottait dans son emmanchement parce que je tremblais comme une feuille. J'allais retrouver mon père dans son atelier, c'est là que le vieux Carbonaro reprenait corps. Mon père avait composé avec lui à mon usage un énorme roman parlé, allongé chaque soir d'épisodes pleins de détails romanesques. C'était mon sucre candi. J'ai toujours aimé ce coquin sans scrupule. Il n'avait qu'une vertu, encore était-elle 48 arbres. Il croyait au bonheur du peuple par la liberté. C'est certainement de lui que je tiens mes principes naïfs. Il s'est aussi baladé en Piémont, Lombardie, Romagne, Toscane, Vénétie. Je vais sans doute le retrouver. En somme, chez Jean Giono, il y a une certaine réalité et beaucoup de fiction qui s'entremêlent et s'entrechoquent. Et la recherche de racines révolutionnaires par le truchement d'un père cordonnier, et vous le disiez la dernière fois, les cordonniers, ils avaient tendance à être anarchistes, et le père de Giono n'a pas dérogé à cette règle. Alors, le truchement de ce père cordonnier anarchisant s'apparente à une errance du corps et de l'esprit qui conduit Giono sur les traces de son grand-père. Mais tout en restant ancré dans la réalité, il arrive souvent à Giono d'affabuler, comme le note Pierre Citron, notamment pour se donner le plaisir des chiffres ronds. Naissance du grand-père en septembre 1795 et de Giono en mars 1895, ce qui fait qu'ils n'ont pas tout juste 100 ans de différence. Mort du grand-père en 1854 et non pas en 1845, bon, on peut penser qu'il y a eu un petit lapsus, ce qui induit qu'il n'est pas mort 50 ans avant que Giono naisse jour pour jour. Somme toute, l'important pour un individu n'est-il pas de chercher à reconstruire sa généalogie et de croire par là même à une certaine réalité des faits qu'il peut s'approprier et dont il peut témoigner pour justifier de sa veine ancestrale. C'est ce qui lui permet de dire dans son carnet de février 1952 « J'ai toujours aimé ce personnage qui, au fond, m'a donné tous mes principes et d'où mon père, qui cependant était bon, provenait. » C'est-à-dire que pour Giono, il y avait le grand-père, l'anarchiste un peu terroriste, et puis il y avait le père, l'anarchiste humain, généreux, penseur des plaies humaines. Hein, et il y avait un peu ces deux côtés de l'anarchie dans sa conception. L'autre homme dont il faut parler, bien sûr, c'est Jean-Antoine, le père, cordonnier itinérant, parcourant la Provence et se fixant définitivement à Manosque. Alors, c'est dans Jean le Bleu, je pense que vous connaissez ce roman de 1932, Jean le Bleu. Dans Jean le Bleu, donc, qu'il montre ce père, guérisseur des souffrances physiques et morales des gens, et on l'appelait le père Jean à Manosque. Et tous ceux qui étaient en peine venaient le voir et il faisait tout ce qu'il pouvait avec ses propres moyens, qui n'étaient pas très très vaste, mais enfin, cet homme avait une espèce d'aura. Et par rapport à l'image du père, et sacrifier l'image de la mère. Mais dans ma thèse, j'essaye de rétablir justement l'image de la mère. Le père, donc, ancien anarchiste 48art, épris d'altruisme, jette un jour l'ancre dans les Alpes de Haute-Provence, et Giono sera l'enfant de la vieillesse de son père, et l'unique enfant d'ailleurs de la vieillesse de son père. Et il est toujours prêt à donner dans un esprit d'entraide. Et bien sûr, l'entraide, c'est quand même une idée chère aux anarchistes, comme on le sait. Pour Jean Le Bleu, le spirituel du père a souvent été un exemple à suivre. Élevé dans cette veine bleue du libertaire, Giono fut le disciple idéal des paroles et des actes qui font de l'anarchisme une véritable profession de foi. Le père Jean-Antoine, alors on a dit c'est la lignée des gens, hein, Jean-Baptiste, Jean-Antoine, Jean, ne voyait le monde qu'à travers Victor Hugo, quand même un signe ça. Et il est celui par lequel le pacifisme engagé et la guérison de la lèpre humaine ont pu devenir une finalité à atteindre. Mais si Jean Giono aimait mieux son père pour l'héritage romanesque, il avoue aussi que sa mère, Pauline, pour Saint Giono, lui a légué toute une sensibilité à fleur de peau, et qui a fait de lui, Giono, l'homme qui donnait secrètement de l'argent à des familles nécessiteuses au moment de Noël. Et ça, on me l'a dit en aparté, c'est pas écrit sur les murs de la ville. Jean Giono le dit, j'ai hérité de ma mère ses yeux bleus, ses cheveux presque blonds qui viennent de Picardie, avec elle, et cette sensibilité angoissée, un peu faible, un peu gémissante, cette peau si fraîchement posée sur le cœur, cette peau si mince qu'elle n'est plus une protection, mais seulement comme un enduit de glu qui colle mes viscères à vif sur le monde. Alors, l'anarchisme humaniste du père et la sensibilité à fleur de peau de la mère sont ainsi à l'origine de la pensée de l'homme et du romancier. Errance et ancrage seront les maîtres mots de l'imaginaire poétique et de l'œuvre à venir. Et le pays manosquin, avec son vent, ses collines, sa dureté au soleil, servira de cadre à l'œuvre et d'univers aux errants de toutes sortes. Ainsi, il le dit dans « Et le monde », encore une chronique de la fin de sa vie écrite en 1968. Voilà ce qu'il dit. « Des bourgeois en rupture de banc, des faillis, des veufs inconsolés, des cadets dépouillés, des paresseux, beaucoup de paresseux, des originaux, des extravagants, des mauvais, des petits repris de petite justice, des anarchistes, des idéalistes, des timides, des simples d'esprit ou carrément des fous. » En réalité, dans ses entretiens avec Robert Ricat, alors Robert Ricat, vous savez, c'est l'universitaire qui a été l'ami de Giono dès le début et qui a permis que son œuvre soit un peu mieux connue, notamment dans la Pléiade chez Gallimard. Et il était professeur de lettres à la Sorbonne, je crois, oui d'ailleurs. Voilà. Alors Robert Ricat le présente, alors Giono présente déjà son père comme un anarchiste à l'état natif, c'est son terme, hein, c'est son expression, et il dit, alors que le père de Guéhenno était un syndicaliste, mon père n'a jamais voulu faire partie d'un parti ou d'un syndicat, mais c'était un anarchiste pur. Ça, c'est Giono qui le dit. L'anarchisme fait donc bien partie de la famille, peu importe d'ailleurs la limite séparant réalité et fiction. Et Giono, dans sa préface à Jean Le Bleu, met en parallèle l'individu et le créateur qu'il est. Et il dit, il y a plus de 20 ans que j'ai écrit Jean Le Bleu, j'ai autant inventé ce livre-là que les autres. L'invention y est cependant fondée plus qu'ailleurs sur le réel. J'étais un des personnages et je racontais ma jeunesse. Il serait peut-être intéressant néanmoins de départager un peu le réel et l'imaginaire. Je n'ai inventé ni le caractère, ni les propos, ni la folle générosité, ni la tendresse, ni l'amertume souriante, ni le long silence final de mon père. Il m'a été facile de rester dans la vérité. J'avais tant de joie à le faire revivre. Et cette joie prenait sa source dans l'authenticité. Alors on pense aussi à Poulaille et l'authenticité et rester dans l'authentique. Et c'est pour ça que les deux hommes ont eu une période faste qui après bon, a été un petit peu abolie. Alors, j'en viens un petit peu à expliquer pourquoi on était anarchiste à la fin du 19e. Bien, parce que le monde était un peu binaire, il fonctionnait de façon manichéenne, c'est-à-dire qu'il y avait les spoliés, c'est-à-dire les ouvriers, et puis il y avait les spoliateurs, les bourgeois. Et le père de Giono était artisan cordonnier, ne pouvait qu'adhérer aux idées d'une gauche progressiste, et notamment avec les anarcho-syndicalistes. Robert Ricard, toujours dans sa notice sur Jean le Bleu, laisse supposer d'ailleurs que dans les années 20, l'exécution de Nicolas Sacco, cordonnier italien anarchiste, et de Bartolomeo Vanzetti, crieur de poissons, également anarchiste, comme vous le savez, ayant bouleversé le monde au terme d'un procès houleux et inique pour un crime qu'il n'avait pas commis, aurait, alors je cite, encouragé Jean Giono à accentuer, s'il en était besoin, l'anarchisme paternel. Fin de citation. Pour corroborer cette idée, il n'est pas inintéressant de mentionner que Jean Guénaud a fait parvenir à Giono les lettres de Sacco et de Vanzetti, traduites par sa femme Jeanne Guénaud dans la collection Les Écrits chez Grasset. Que les théoriciens anarchistes les plus notoires furent bien sûr Stirner, Proudhon. Alors Proudhon, j'ai trouvé dans la bibliothèque personnelle, et ça j'avais besoin quand même de preuves un peu tangibles, et je suis allée voir dans sa bibliothèque personnelle, j'ai quand même trouvé 3 tomes de ses carnets de Proudhon dans la bibliothèque personnelle de Jean Giono, et puis bien sûr Bakounine. Le titre de notre thèse suppose une distinction entre anarchisme et anarchie. Alors l'anarchisme, alors c'est là que je vais peut-être avoir des interventions et ça sera peut-être pas mauvais. L'anarchisme, comme tous les mots en isme, témoigne d'une conception politique qui, dans le cas de l'anarchisme, tend bien sûr à supprimer l'État, à éliminer de la société tout pouvoir disposant d'un droit de contrainte sur l'individu. Si la pensée de Proudhon s'articule autour de 2 thèmes, le mutualisme sur le plan économique et social et le fédéralisme sur le plan politique, celle de Bakounine est centrée sur l'anarchisme communiste. Pour l'un comme pour l'autre, les bases d'une société saine et viable reposent sur la libre association des individus, et tout en étant au sein d'un groupe. Tous deux exècrent l'État bourgeois et toute forme d'autorité, prônent l'athéisme, refusent, je crois, le suffrage universel et exigent l'abolition des classes, car l'immoralité politique, économique et sociale générée par la société capitaliste conduit inévitablement au rejet de ce qui est établi. Les jeunes anarchistes s'opposent ainsi à la vision marxiste d'une société fondée sur la dictature du prolétariat, dans la mesure où la notion même d'État, même s'il s'agit d'un État ouvrier, engendrera toujours le despotisme et l'esclavage des masses prolétaires par une minorité agissante et supposée bien pensante, celle des représentants du peuple. Proudhon comme Bakounine sont à la fois des individualistes et des sociétaires, car une société libre se constitue à partir d'individus eux-mêmes libres. Et ceux-ci n'ont des devoirs vis-à-vis de la société que s'ils ont librement consenti à en faire partie. Alors, loin d'être le synonyme d'une redoutable apocalypse, l'anarchie représente une doctrine sociale, une pensée philosophique et une conception de vie libertaire qui prennent aussi, comme le fait l'anarchiste Max Stirner, et je l'utiliserai beaucoup dans la deuxième partie de ma thèse, un individualisme anarchiste dans lequel l'homme est maître de ses pensées et ne se réclame d'aucune doctrine, d'aucun parti, d'aucune faction, quel qu'il soit. Il faut préciser, alors là je ne sais pas si je suis vraiment dans le vrai, mais que les termes anarchiste et libertaire sont interchangeables depuis la publication du journal Le Libertaire par Sébastien Faure en 1895. L'objectif à atteindre est bien sûr l'association de tout ce qui existe sans que l'État et l'ordre qui en découlent puissent entraver une parcelle de l'individualisme. Face à l'absolutisme de l'État bourgeois, Max Stirner oppose l'absolutisme du moi en glorifiant l'égoïsme qui met l'individu ou l'auto-réalisation du moi, comme il dit, au-dessus de toutes les nécessités politiques, économiques ou sociales et qui invite l'homme à se souvenir de sa particularité foncière et à résister à la déshumanisation progressive qu'engendre de toute évidence la société moderne. Par l'égoïsme, Cette éthique anarchiste vise alors à accroître la responsabilité individuelle et non à suggérer un piètre relâchement où l'individu, au lieu de s'affirmer, finirait par cesser d'exister. Glorifiant l'individualisme à une époque où dominait l'anti-individualisme bourgeois, Stirner est longtemps resté considéré comme un isolé, un excentrique. Mais de nos jours, ces idées paraissent loin d'être anachroniques. Dans la perspective où la société semble vouloir sauver l'individu de toutes les formes d'aliénation possibles, conformisme totalitaire ou esclavage industriel. Alors, ensuite, je donnerai peut-être une définition de l'anarchie qui m'intéresse. C'est celle de Pierre Kropotkine, mais vous la connaissez probablement, je vais passer, je crois. Celle qui, la déclaration... Tu peux la donner. Tu crois ? Et si tu me la lisais, ça me reposerait. Alors, déclaration des anarchistes accusés devant le tribunal correctionnel de Lyon le 19 janvier 1883. Voilà comment ils définissaient l'anarchie. Attends, il y a encore une... Oh, ça me voit le coup. Ce qu'est l'anarchie, ce que sont les anarchistes, nous allons le dire. Les anarchistes, messieurs, sont des citoyens qui, dans un siècle où l'on prêche partout la liberté des opinions, ont cru de leur devoir de se recommander de la liberté illimitée. Oui, messieurs, nous sommes, de par le monde, quelques milliers, quelques millions de travailleurs qui revendiquons la liberté absolue, rien que la liberté, toute la liberté. Nous voulons la liberté, c'est-à-dire que nous réclamons pour tout être humain le droit et le moyen de faire tout ce qui lui plaît et de ne faire que ce qui lui plaît, de satisfaire intégralement tous ses besoins sans autre limite que les impossibilités naturelles et les besoins de ses voisins également respectables. Nous voulons la liberté et nous croyons son existence incompatible avec l'existence d'un pouvoir quelconque, quelle que soit son origine et sa forme, qu'il soit élu ou imposé, monarchique ou républicain, qu'il s'inspire du droit divin ou du droit populaire, de la sainte ampoule ou du suffrage universel. C'est que l'histoire est là pour nous apprendre que tous les gouvernements se ressemblent et se valent. Les meilleurs sont les pires. Plus de cynisme chez les uns, plus d'hypocrisie chez les autres. Au fond, toujours les mêmes procédés, toujours la même intolérance. Il n'est pas jusqu'aux plus libéraux en apparence qui n'est en réserve sous la poussière des arsenaux législatifs quelques bonnes petites lois sur l'international à l'usage des oppositions gênantes. Le mal, en d'autres termes, aux yeux des anarchistes, ne réside pas tant dans telle forme de gouvernement plutôt que dans telle autre. Il est dans l'idée gouvernementale elle-même, il est dans le principe d'autorité. La substitution, en un mot, dans les rapports humains, du libre contrat, perpétuellement révisable et résoluble, à la tutelle administrative et légale, à la discipline imposée, tel est notre idéal. Les anarchistes proposent donc d'apprendre au peuple à se passer de gouvernement, comme il commence à apprendre à se passer de Dieu. Il apprendra également à se passer de propriétaire. Le pire des tyrans, en effet, ce n'est pas celui qui vous embastille, c'est celui qui vous affame. Ce n'est pas celui qui vous prend au collet, c'est celui qui vous prend au ventre. Pas de liberté sans égalité. Pas de liberté dans une société où le capital est monopolisé entre les mains d'une minorité qui va se réduisant tous les jours et où rien n'est également réparti. Pas même l'éducation publique, payée cependant des deniers de tous. Nous croyons, nous, que le capital, patrimoine commun de l'humanité, puisqu'il est le fruit de la collaboration des générations passées et des générations contemporaines, doit être à la disposition de tous, de telle sorte que nul ne puisse en être exclu, que personne en revanche ne puisse accaparer une part au détriment du reste. Nous voulons en un mot l'égalité, l'égalité de fait comme corollaire ou plutôt comme condition primordiale de la liberté, de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins. Voilà ce que nous voulons sincèrement, énergiquement. Voilà ce qui sera, car il n'est point de prescription qui puisse prévaloir contre les revendications à la fois légitimes et nécessaires. Voilà pourquoi l'on veut nous vouer à toutes les flétrissures. C'est les rats que nous sommes. Nous réclamons le pain pour tous, le travail pour tous aussi l'indépendance et la justice. Vous connaissez ce texte, je suppose ? Oui. On l'a lu, Moi, ce texte, quand je l'ai lu la première fois, oui, il n'y a rien à dire si ce n'est que je le trouve étonnamment... d'actualité, pour dire derrière. Ah, ça va de soi. Bon, d'accord. Ce que je sais, c'est quand il était éditeur, il avait préparé un Ouais. Je crois que c'est la. Ils avaient été. Élisée Reclus, vous dites? Oui. Non, je ne pense pas, non. Oui, je sais. C'est en 93, là, hein, quand même. 83, je veux dire. Oui, voilà. Oui. Correctionnel, comme devant le tribunal. Oui, c'est le rat que nous sommes. Oui, oui. Vous pouvez en dire une petite correction, tout à l'heure tu as sous-entendu que le suffrage universel, tout ça. Oui. Il a été pour, oui. Oui, oui, un moment. Mais après, il a lâché. Oui. Oui, bon, ben. En 48. Bon. Là, vous en savez plus que moi, ça. Petit point de détail. Oui, non, mais c'est bien. Je ne sais pas, des commentaires autres, non. Une petite pause. C'était au sujet, par exemple, de l'appréciation comme Bakounine comme communiste, je ne crois pas que c'est... C'est l'anarchisme communiste. Non, mais je ne crois pas que ce soit aussi. C'est élevé, mais alors, avec une vigueur extraordinaire contre « je ne serai jamais communiste ». Oui, mais communiste, Il était plutôt collectiviste, si jamais on pouvait vous donner... appréciation. Oui, mais comment on appelle les gens de la commune, l'esprit de la commune? Bon, les communards, ils n'étaient pas dans la commune. Oui, mais enfin... Le communaliste, c'est le communaliste. Mais il était surtout collectiviste. Il y a eu deux cas. D'ailleurs, une des choses qui a fait que, en Espagne, quand il y a eu le soulèvement, prolétaires, eh bien, les gens ont établi des collectivités, je crois, c'est dans l'esprit bakouninien, vous voyez, collectivisme, c'est beaucoup plus approprié pour Bakounine que moi, c'est drôle, communisme. Ouais. C'est drôle, moi, enfin bon, j'avoue mon inculture, si on peut dire, collectivisme, je pensais plutôt révolution du 17, là, collectivisme, ça fait un peu révolution du 17, non? Non, parce que mettons au Mexique, où il y a quand même une forte influence anarchiste, ils sont très, toujours plus, sont des collectivistes, ils sont très collectivistes. Ah oui, d'accord, oui, en fait. Avec Florence Dragon et donc le parti là-bas et tout, et donc c'est vrai qu'il y avait cette influence de collectivisme, c'est pas connu, il était beaucoup plus, et donc quand on oppose Steiner à Bakounine, la différence, c'est un peu collectivisme, mais individuel. Maintenant, sur le communisme anarchiste, enfin, c'est... C'est une notion qui est apparue. C'est une notion qui est apparue un peu plus tard. Voilà, plus tard. Je pense qu'elle est quand même avancée sur le collectivisme. Communisme, c'est employé. Communisme libertaire aussi. Pour recentrer le terme, à l'époque, c'était le marxisme, pas le communisme. Voilà, il est vrai que Bakounine a eu des rapports houleux avec Marx, mais au début, il y a traduit une partie de ses œuvres en russe. Je l'ai lu tous ses auteurs. Non. C'est pas parce que j'ai trouvé Proudhon, les carnets de Proudhon, que j'aurais bien aimé trouver l'unique et sa propriété, mais je ne l'ai pas trouvé. Ben, enfin, il faut dire qu'il y a tel foutoir dans sa bibliothèque, et puis il en a des bouquins. C'est sa fille qui s'occupe de ça. Alors, justement, il n'y avait personne qui s'occupait de la bibliothèque jusqu'à présent. Et il y a une personne dans le groupe là, de l'association qui maintenant va répertorier tous les livres les uns après les autres. Et en fait, ce que faisait Giono, c'est qu'il recevait beaucoup de livres et il en donnait beaucoup aussi, il les a circulés et puis les gens ne lui rendaient pas. J'aurais aimé trouver l'unique et sa propriété, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas dit qu'il est... Mais je pense que son père devait suffisamment lui parler quand... Il était plus influencé par sa famille que par les... Ah oui, je pense, oui, et puis Giono, c'est un rêveur, quoi, je veux dire, c'est un poète. Et puis après, je dirais que, bon, ce n'est pas un poseur de bombes, quoi, mais bon, loin d'être un poseur de bombes, ni même un militant. Mais enfin, il a fait quand même des choses à son niveau. Oui. Pas sûr, c'était pas mal, mais pas Armand, je sais pas, il en parle, je crois pas qu'il en parle. Dans ses... Non, pourquoi? Vous pourriez me dire? Et quelle était votre idée? Dans le courant individualiste, quand même, Armand. Ouais. Oui. Dans toute la partie, dans la partie du siècle. Hein, du siècle. Oui, du 20e siècle. Oui. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Oui. Non, moi, bon, après, je t'expliquerai pourquoi j'utilise Stirner, notamment dans la deuxième partie de ma thèse, où bien sûr, dans les chroniques, il n'y a que des individualistes. Des gens qui vont jusqu'au boutiste, si je puis me permettre, des gens qui vont au bout de leur ego, quoi. Et c'est pas de c'est, bon, beaucoup de gens parlaient de l'égotisme stendhalien, c'est vrai qu'il existe, mais il y a aussi un égoïsme à la Stirner, et ça a été très apprécié, et c'est vrai que ça donnait un autre éclairage sur toute la période chronique qui démarre après la période d'après-guerre. Ah ben voilà, oui, oui, oui, avec le coin. Oui, mais pas normal, il a tout le temps. Oui, oui, oui. Oui, ben il a écrit quand même Le Grand Troupeau en 1932 déjà, hein, Le Grand Troupeau. Le Déserteur, c'est plus tard, hein, c'est bien dans les années 60. C'est vraiment, il y avait quelque chose. Oui, oui, le pacifisme, voilà. Oui. Ah, il a toujours été un pacifiste viscéral. Le Grand Troupeau, c'est quand même... Il a été aussi beaucoup intimidant, c'est-à-dire parce que ah ben oui. Dans la dissociation, c'est... Oui. Sauf que, antimilitariste, et c'est ce que lui reproche Poulaille, et c'est toute la polémique en fait de l'appendice, là. Poulaille écrit 400 pages rien que pour ça, pour dire que comment ce gars qui était pacifiste, viscéralement pacifiste, parce qu'il avait fait 4 années dans les tranchées comme beaucoup d'autres, et qui en était sorti complètement meurtri de la guerre de 14-18, comment ce gars qui était pacifiste, qui avait milité pour le pacifisme, qui a écrit à Daladier, qui a envoyé des télégrammes pour demander le désarmement universel, faut le faire quand même dans les années 37-38, là, il fallait oser le faire, hein, dans ce contexte un peu, c'est vrai, chaotique. Comment ce gars, eh bien, au mois de septembre 39, s'est présenté à l'ordre de mobilisation avec son livret militaire à la main. Et c'est ce que ne lui a pas pardonné Poulaille, en disant qu'il s'est dégonflé. Hein, c'est là par la panique, c'est ça, par la panique. Par exemple, je pense que ça c'est profond, c'est profondément dans l'interfère, c'est qu'il est parti à la guerre de 14. Hmm? Et pourquoi il est parti à la guerre de 14? Parce qu'à un moment l'interfère, il y a quand même une scission, il y a une appel des aides. Et les cannes. Entre autres, on continue et tout. Donc c'est. Il y avait quand même. C'est pour ça que... Non, mais là, c'est à mon avis, c'est pas lié, hein. C'est pour ça que je dis aussi le pacifisme. Oui. Parce que quand il est revenu de la guerre, il était violemment... Antimilitariste, oui. Il a vu ce que c'était le pouvoir des militaires, oui. Ce qu'ils ont fait dans les deux cas, c'est-à-dire comment ils ont amené à la mort, ils ont oui. La puissance de retrouve-moi, je déserte les armées. Déserte de toutes les armées. Non mais il a été antimilitariste certes, mais il a été aussi pacifiste parce que à longueur de temps dans son journal, et ça franchement, bon, ça vous intéresse, c'est pas très long à lire, le journal de 35 à 39, mais tout le long il dit je déserte de toutes les armées, rouges ou blanches, quoi. Et ça il le dit, mais il le dit, il le répète, ça en est bien presque tout l'an. Oui, mais ça, il avait 19 ans, donc à 19 ans, est-ce qu'on a vraiment le choix? Bon, c'est vrai que le coin, lui, il n'a jamais rien fait. Et qu'il a pris pour combien d'années? 20 ans, je crois, d'emprisonnement. Oui, 20 ans d'emprisonnement. Il a été emprisonné aussi. Comment? Il n'a pas été emprisonné, Alors, il a été emprisonné, oui, voilà, Fort Saint-Nicolas, d'une part. Ça, deux fois, au début de la guerre et à la fin de la guerre. Deux fois pour raisons opposées, une première fois en 39. Alors c'est vrai qu'il s'est présenté à l'ordre de mobilisation en 39 avec son carnet au jour dit, etc. Mais 15 jours après, il était prisonnier. Il était en prison, c'est vrai. Pour pacifisme, voilà. Et à la fin de la guerre, il était encore allé en prison pour cette fois-ci collaboration, soi-disant. Hein? Donc deux fois pour deux raisons diamétralement opposées. C'est quand même bizarre. Et c'est là que on sourit un peu, parce que Giono, bon ben, c'est quand je dis c'est un poète avant tout, c'est un rêveur, quand je le dis anarchiste, c'est pas l'anarchiste, comment dire, militant. C'est le libertaire qui pense anarchiste en tant que philosophie de vie. Hein, il est libre de lui-même. Il s'enquiquine quand il va à Paris, donc il n'y va pas pour les besoins de presse, pour ses besoins de presse. Et il est en dehors, hein, il est marginal. Donc, étant marginal, il a quand même adhéré un moment avec les communistes, à l'AEAR, avec Aragon. Ensuite, il a adhéré à la FIARI, c'est-à-dire à la Fédération internationale des révolutionnaires des artistes indépendants, si je ne fais pas d'erreur, et mené créé par Trotsky. Et ça, Aragon, enfin les communistes ne lui ont pas pardonné, ils l'ont fait payer cher à la fin de la guerre. Alors, adhésion AEAR, c'est en 34, et la FIARI, c'est en 38, 39. Non, voilà. Non, non. Oui, oui. Disons que il le dit à longueur. Il le dit à longueur de temps. Il se met derrière son père et son grand-père. Mon grand-père, formant révolutionnaire carbonaro italien. Mon père, anarchiste à l'état pur. Enfin, je veux dire tout ça. Bon, on peut penser que par atavisme, il a pris des parcelles du père. Mais si le père rendait des services, entre guillemets, si le grand-père faisait le révolutionnaire un peu terroriste, lui, bah, c'était un bon gars, quoi, qui restait dans son bureau à écrire, parce que sinon, il ne vivait plus. Hein, quand on pense, quand même, Giono, moi, quand je le dis à mes élèves, ils restent ébahis, quand je leur montre Colline, vous avez vu l'épaisseur de Colline en livre de poche, c'est comme ça, hein, et puis les pages bien épaisses. Mais Giono, aujourd'hui, c'est 8 hommes dans la Pléiade. Alors même si il y a beaucoup de notices, il y a beaucoup de notes et variantes, il y a beaucoup de blabla à la fin, il y a quand même du texte de Giono, je veux dire. C'est presque une trentaine de chroniques et de romans, ce sont des nouvelles, ce sont des pièces de théâtre dont personne ne parle. Et pourtant on les a jouées, hein, elles ont été montées sur Paris, bon, au moment de la guerre, justement, ça. Pendant l'occupation, ça a posé des problèmes. Mais Giono, il pense en libertaire. Mais ça, il faut dire à propos de la FIARI, qui est co-signée par Breton et Trotsky. Oui, Trotsky. C'est oui. Qu'au niveau de l'engagement artistique, oui. Ce qui est vraiment curieux pour être co-signé par Trotsky, il demande les principes anarchistes en art, mais surtout pas pour la révolution en elle-même, qui doit obéir à un plan centralisé. Donc c'est une contradiction, c'est... énorme, et on comprend, puisque Breton ensuite à la fin de sa vie a eu des vrais faux regrets par rapport au trotskisme et s'est orienté vers l'anarchisme. On comprend que ça, je ne savais pas que je ne faisais pas. Ah oui, vous êtes partie de la. Le texte qui est co-signé par Breton et Trotsky avec Diego Rivera seulement par le prête-nom, le mot est écrit anarchisme. Pour ce qui est de la création artistique, mais surtout pas pour le reste. Donc il y a cette ambiguïté qui n'a pas été Breton va porter tout le temps, quoi. Et on comprend que je ne savais pas que Giono. Giono fait partie du comité. Mais le mot est exprimé textuellement dans le texte de la FIARI. C'est un apport, ça, que au niveau de la. Je ne savais pas qu'il se disait anarchiste ayant Trotsky au milieu, quoi. Forcément, c'est plutôt contradictoire. Ce qui est contradictoire aussi, c'est tout le mouvement surréaliste aussi qui fait ce cloisonnement entre toute liberté pour la création artistique et pour ce qui est de la révolution sociale, ça doit obéir à un plan centralisé. Il y a contradiction de tout le temps, quoi. Oui, mais c'est surtout que Trotsky, c'est quand même un marxiste, quoi. Il fait partie de la famille. Bien sûr. C'est le principe de la rigueur. Comment? C'est le principe de la rigueur. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont une attitude marxiste. C'est pour ça qu'il y a contradiction. Non, mais il y a le mouvement politique. Je dis que ces intellectuels-là, quand même, très élitiste, c'est-à-dire de se considérer comme une avant-garde. Ben oui, mais c'est pas du marxisme. Le principe, et Trotsky ne pouvait qu'adhérer à cette vision de l'histoire. C'est pour ça que Breton, il est très très ambigu, quoi, de ce louvoiement entre anarchisme et trotskisme. C'est s'il y a une immaturité politique, voulue ou involontaire, je ne sais pas. Mais enfin, c'était pas très clair quand même que Trotsky était là-dessous, quoi. C'était plutôt Breton et Diego de Rivera qui étaient les instigateurs. Ah, c'est écrit par Trotsky et quand Breton, même. C'est pas écrit par Diego Rivera. Ah bon, je pensais Diego que Rivera... Trotsky, il était un peu en fous-main, là, il a d'un non, c'est co-écrit Trotsky et Breton. D'accord. Et Diego Rivera, il faut servir de prête-nom parce que Trotsky est recherché. Mais c'est co-écrit par... J'ai même vu des textes où on voit la part de l'un et de l'autre et après comment le texte a été... C'est intéressant. Comment ? C'est bien quand ça rebondit. Hein. Note. Alors, évidemment, on se programme. Il va y avoir des moments ce jour-là. Principe anarchiste en art, il est dans le texte de la fierté. Bon, on peut parler aussi des dadaïstes. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout ce qui est. Une sorte de nihilisme dans l'art dans les années 20 là, hein. je crois que c'était de mise à l'époque aussi le dadaïsme c'est ce qui il en arrivait à nier même le principe de création, c'est pour ça qu'il va y avoir rupture entre le mouvement dada et le mouvement surréaliste qui ne rejette pas l'œuvre. On veut donner la plus grande part au peuple pour que chacun développe ses talents artistiques, mais il n'y a pas une négation de l'œuvre complète qu'il y a dans le mouvement dada, et puis qui va exister ensuite, comment on appelle ce mouvement, Guy Debord, oui, les situationnistes aussi, qui vont dire que l'art doit passer dans les relations humaines, qu'on doit abolir la notion d'œuvre. Je pense que les surréalistes voulaient garder une attitude intermédiaire, enfin, c'était leur ambition au départ, et puis après ils sont tombés dans le professionnalisme qu'ils récusaient, et ils sont tombés dans l'entrée, dans le circuit marchand de la peinture, jusqu'à devenir un académisme surréaliste. Et je vois justement, pour revenir quand il y a eu l'expérience du Cantabri, ils ont développé des théories sur l'art en ce moment-là. Non, guère. Ils se contentaient un peu au Contadour, et c'est ce que je dis un peu en première partie de la thèse. Il y avait style les Natur Menschen des années 20, là, à Monte Verita, là, en Allemagne. C'était un peu ce modèle-là, quoi. Vous parliez des naturiens. Je pense que c'était vivre. Et Giono n'a jamais voulu donner une leçon quelconque à quiconque. Et d'ailleurs, à un moment. Je ne sais plus où il dit au Contadour, j'étais le seul élève et j'avais 500 professeurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils écrivaient des poèmes, ils lisaient des poèmes, mais c'était respirer librement. C'était une sorte d'auberge de jeunesse, quoi, en fait. Hein. Oui. Ça circulait quand même. Ça tournait, ils n'étaient pas tous en même temps, mais ça circulait quand même. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes, je crois. Oui, il y avait beaucoup de jeunes, c'était 36. Il y avait Pierre Magnan, voilà. Magnan faisait des années, se rendait. Voilà, il y avait Lucien Jacques, qui était en admiration devant lui. Ils étaient tous admirés, je crois. Bien sûr, ils étaient tous ce baba devant. Lui, là, Pierre Citron, qui a fait quand même une biographie de 600, 700 pages, je ne sais plus, il se rappelle que d'une chose, c'est quand Giono lui badigeonnait le fond de la gorge avec du bleu de l'épinène pour qu'il aille mieux. Et là, il avait 16 ans, bon, et c'est vrai qu'il était un bon père de famille, quoi. Et puis je crois qu'il... Alors, il le considérait comme un prophète, entre guillemets, mais lui, il l'a renié, ça. Il a dit, moi, j'ai jamais voulu faire passer aucun message, quelque message que ce soit. Je voulais que les gens viennent, qu'on se rencontre, qu'on parle de poésie, de littérature, qu'on partage des choses, et puis surtout par rapport aux jeunes, parce que Il faut se mettre dans le contexte de 36, c'est-à-dire Front populaire, les vacances, les congés payés, ils arrivaient avec leurs baskets de Paris, ils n'avaient qu'une hâte, c'était de respirer l'air pur, et lui, ce qu'il leur offrait, c'était l'air pur des montagnes. Il y a eu les carnets de Moleskine quand même, hein, la création des carnets de Moleskine. Il y a même eux qui étaient le moteur au niveau des mers, les autres c'était des jeunes, comme vous dites, qui venaient de l'extérieur pour... Oui, c'est vrai qu'ils ont produit les carnets de Moleskine là, pendant cette période. Et je nomme de ces heures, bon. des manuscrits, enfin, des voilà, ils livraient les voilà. Voilà, donc, c'était en fait c'est pour les autres, c'était en fait leur chemin de passé. En fait. Bah, évidemment, oui, voilà. C'est sûr. Et puis c'était pas quand on partait, entre Giono et quelqu'un d'autre, quoi. C'était Giono le centre. Ah ben, il y avait Lucien Jacques, il y avait Hélène Laguerre, il y avait quand même des gens qui, bon... Non, c'est vrai que c'était Giono. Et puis, pourquoi Giono, au fond? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a... En 1934, il y a quand même eu le Comme un joie demeure. Oui, aussi, ah, ça, c'était le livre culte de toute une jeunesse, quand même. Hein. Comme un joie demeure, c'était Giono. Il y avait le chant du monde, aussi. Et le chant du monde, Comme un joie demeure, les jeunes, ils étaient... C'était leur, je sais pas moi, à qui on peut le comparer de nos jours. De nos jours. Bon. C'est pauvre, hein. Je sais pas, il y a d'autres. C'est intéressant, je trouve, le. Un peu de. Prenez. Ah, je crois que tu fais la main. Oui, juste, je n'ose pas dire 14, alors est-ce que vous en parlez un petit peu? Enfin, moi, 16-18, puis il a combien de temps plus tard, puisqu'il a 21 ans. Non, non, oui, il est rentré, il a fait 4 ans, hein, 4 ans plein, si, 4 ans plein, de 16 à 20. Oui, 16 à 20. Oui, voilà. Et la guerre, bon, il a connu, mais enfin, il a quand même connu les moments difficiles de la guerre. Hein, il n'a pas connu de révolte ou de... Alors, si, soi-disant, si, il a connu des révoltes où on en fusillait, soi-disant, un sur tous les 4 ou tous les 5. Enfin, il y a une polémique là-dessus. Bon, en fait, Giono, je pense qu'il n'était pas très courageux. Mais enfin bon, c'est bien qu'il s'en soit sorti, quoi. Je veux dire, lui, il disait, mais il vaut mieux être... enfin, je veux dire, il vaut mieux sortir, hein, de... Ouais, ce que disait qu'il vaut mieux être un héros mort, lui, il disait, il vaut mieux être vivant. Ouais, et pas héros, que mort et héros, quoi. Il a dit aussi qu'il partait au combat avec... Oui, soit bizarre. Ça, je sais pas. Je crois pas que moi, pas de ma souvenance, non. Parce que ça a quand même été, bon, c'était vraiment fort d'avoir un petit militariste, ouais. Pacifiste, très social, parce qu'il s'était rendu compte que les deux groupes, les deux capitaines, les deux pays l'ont renvoyé, les ont pris par intermédiaire, ils ont tranché et tout. Donc je pensais qu'il en avait ramené quelque chose, qu'il avait été pour moi, parce que c'est quand même... Non, de la guerre, il a ramené le grand troupeau, quoi. Le grand troupeau, c'est ce qu'il a écrit, en fait. Et si on regarde bien le grand troupeau, qui l'a lu, là, parmi vous? Oui. Vous remarquez qu'au début, en fait, on n'a pas l'impression qu'on est en guerre, quoi. On est à Manosque, c'est une histoire de famille, et en fait, on comprend petit à petit les dégâts de la guerre sur l'arrière. C'est en fait les dégâts que cause la guerre sur l'arrière. C'est-à-dire quand on a laissé les gens à la maison et toutes les atrocités qui ont pu se produire à ce moment-là. Et après, il a fait un rajout au grand troupeau et là, il parle plutôt de ses copains qu'il a perdus et il y a des pages qui sont prenantes. Il y a un ami qui est un russe, Kosiakov. Oui, Kosiakov, voilà. C'est dans le grand troupeau, oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait une nouvelle aussi. Une nouvelle dans... Derrière Edmond et autre caractère. Ah, et autre caractère, voilà, oui, c'est ça. C'est pas dans le Edmond même, c'est après, oui. Voilà. Mais il y a une nouvelle là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il pouvait pas communiquer, mais en fait, il se comprenait par les gestes, les paroles. Bon, Giono, la guerre, je crois qu'il a, il a viscéralement souffert, quoi. Il en a souffert. Et toute son activité, et je dirais presque la principale, et d'ailleurs quand j'ai parlé avec mon directeur de thèse, il me disait, mais est-ce que vraiment le pacifisme, on peut considérer ça comme une idée propre aux anarchistes? Non, non. Alors, bon, moi... Dans le christianisme, oui, mais enfin, bon, quand on voit l'Inquisition, quand on voit les croisades, quand on voit ci, quand on voit ça... Pour comprendre l'histoire, dans les mouvements d'insoumis et d'objections de la jeunesse après la guerre de 1945, les deux courants, c'est tout le temps le christianisme et les libertaires et les anarchistes. C'est ça, oui. Ah ben, c'est le mot de Malraux, le Christ, le Jésus-Christ est le seul anarchiste qui est réussi. Hein, c'est Malraux qui dit ça. Enfin, c'est une emboutade, mais on n'en est pas très loin. On l'a dit qu'il était communiste, que le premier communiste. Oui, voilà, voilà. C'est vrai que. Bon, c'est vrai que. Qu'il n'a pas existé. Ouais. Non, mais attends, moi je passe le pacifiste. Tolstoï se définissait comme chrétien. Chrétien et anarchiste. Et oui. Et non-violent. Et voilà. Il ne faut pas oublier le courant non-violent. Oui. Donc c'est pacifisme quand même, non-violence, non? Enfin, pas encore. Non, mais vous avez la non-violence, ça veut dire... Vous avez l'Azad et Basto aussi. L'Azad et Basto. Eh bien justement, il y a eu... Parce que Gandhi, qui est le théoricien, il a tout à l'heure dit, je préfère aller faire la guerre que d'être en lâche. C'est quand même toute une... Ah ben lui, Giono, il dit le contraire. Hein. Il dit je préfère être à lâche plutôt que de partir à la guerre. C'est bien pour ça. C'est pour ça que ouais. Pacifisme, non-violence. Ouais, c'est pas tout à mettre dans le même sac. L'anarchisme, c'est pas tout à mettre. Il y a eu. Moi, je pense que ce facteur de mouvement pacifique qui a été profond, et pourquoi il y avait des jeunes contre nous et tout qui se passait, il y avait moins de nous, c'est parce que quand même, il y avait eu ce grand traumatisme de la guerre de 1918. Bien sûr. Et ça, je pense. Foulaï a été traumatisé. Enfin, il y a beaucoup. Tout le nombre de gens écrivains ouais. Ensuite qui ont mis le thème de cette guerre-là dans leur récit, ça quand même. Bien sûr. Bien sûr. On se fait une petite pause pour. Si vous voulez. Pour ça, oui, hein, d'accord, pas de problème. Pour ceux qui ont reculé. Ceux qui veulent des bonbons. Ah ouais. Pour s'adoucir la gorge. C'est bon. Hein, ah, c'est miel. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonbons? C'est moi. Du grand propos, puis on passera. Je retrouve là, dans le journal donc, de 1936, justement ce que Giono disait du grand troupeau. Hier, alors c'est du 30 octobre 36. Hier, 7 pages. Ce matin, 4. Tout est reparti de belle allure. Mise au point de la première lettre de message qui va sortir bientôt. Les chapitres inédits du grand troupeau sont mieux que ce que je croyais et vont constituer avec « Je ne peux pas oublier hein, » fameux texte là, un livre contre la guerre, pas mal du tout dans cette époque, et vont faire repartir le grand troupeau. Ce qui n'est quand même pas si mal comme épine pour les petits copains communistes. Eu hier des nouvelles de mon ami Hugues qui revient de Russie avec Gide, parti communiste revenu comme je suis moi maintenant, Gide est comme lui, il m'a montré l'être de Gide désespéré, tout s'écroule là-bas et tout doit s'écrouler, doit disparaître si nous voulons vivre. Je suis en train de me documenter pour ma lettre aux ouvriers, ces chemins-là mènent à la mort, le livre ronfle. Intéressant, non? Alors, pardon? 30 octobre 36, quand même. Et il y avait autre chose que je voulais, c'est à la page 149. Ouais. De juin 36. Alors, il dit aussi le 12 novembre 36, donc quelques temps après. L'avant-propos que je viens d'écrire, précédent, je ne peux pas oublier. Précédent, alors il se répète, bon c'est son journal, 4 chapitres inédits du grand troupeau, ça peut en effet faire quelque chose de difficile à oublier. Je crois que nous allons donner à cette forme de communisme fausse, ce stalinisme, ce torésisme, un coup assez dur. Ne pas séparer le prolétariat de l'idée de paix, c'est ce qui l'ennoblira devant le monde entier. Faire que la définition du prolétariat ne soit plus la définition actuelle, mais signifie désormais devant le monde l'ensemble des hommes qui refusent toutes les guerres. Que la première revendication, entre parenthèses, avant les revendications de salaire, de culture, de bien-être, qui doivent logiquement venir après, soit abolition de la guerre, de l'esprit de la guerre, des armées de guerre, des ministères de guerre. Alors si après ça il n'est pas pacifiste, on ne sait plus ce que ça veut dire. Et je peux vous en citer encore des tonnes comme ça, hein, mais je crois que bon. Il y a peut-être encore ce passage de 134, ça je vais quand même vous le lire, puis après je reviendrai. Alors là, c'est le 28 février 38. Ma lutte pacifiste. En réalité, mon cœur me pousse. Je pousse mon cœur à lutter contre la guerre, pour l'homme, pour l'humanité. Mais en vérité, cette humanité et son bonheur sont parfaitement indifférents à ma joie personnelle et à mon corps. Je n'ai besoin que de créer des œuvres d'art. C'est ma jouissance. Je jouis d'elle comme d'un corps. Alors quand je dis que c'est un doux rêveur et que c'est un peu un poète, on le voit là quand même. Hein. Donc il a envie, mais bon. Et puis on va venir peut-être... je continue ce que j'ai envie de dire, puis on reviendra au poids du ciel pour que tu dises un peu des... C'était où là, l'histoire du parti, parti... Je veux quand même encore vous dire ça, pour vous montrer un petit peu ça... sa façon de réagir et de dire, voilà, non, alors ça c'est en, quelle date, en 36, au mois de novembre 36, non, je ne suis pas communiste, je ne l'ai jamais été et je m'en éloigne de plus en plus, ils n'ont créé qu'un ordre bourgeois et ils vont le soutenir avec la guerre, comme il est logique pour l'ordre bourgeois, je suis un peu plus que communiste. Un parti qui n'a pas encore de nom et qui n'en aura jamais parce qu'il n'est pas un parti. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une déclaration claire et nette. Hein ? Voilà. Ouais. Bon, alors, je continue un peu ma thèse, là, et puis je vous lirai des choses. Et je reviendrai à la page 154, hein, non, 9. Le machin que j'avais, tu sais, entouré la retrouve. Alors, parler d'anarchisme et d'anarchie dans l'œuvre de Jean Giono revient donc à créer une distinction entre un idéal de vie communautaire et un idéal de vie libertaire, entre un anarchisme sociétaire et un anarchisme individualiste. Alors, les rassemblements du Contadour entre 35 et 39, que Giono, leur inspirateur, renia par la suite, ne serait-il pas la tentative manquée d'une vie communautaire? Et n'induirait-il pas un distinguo entre anarchisme et anarchie? Somme toute, il s'agit dans la problématique de ma thèse de montrer la différence entre l'anarchisme instinctif et l'anarchisme réfléchi, entre la jouissance anarchique d'un monde supérieur perçu comme bénéfique et l'impératif catégorique de s'adapter « anarchiquement » entre guillemets à une société dont les rouages sont désarticulés. Seuls les personnages de l'œuvre jeunienne, donc c'est dur à dire cette affaire, ont la possibilité d'établir ce distinguo, puisqu'ils sont toujours des autoportraits de leur créateur, et ça c'est Giono qui le dit. Anarchisme instinctif, et c'est là que je rentre dans l'œuvre littéraire pour répondre à votre question de tout à l'heure, pour les personnages, hommes et femmes, des romans d'avant-guerre, qui font corps avec le milieu naturel dans lequel ils vivent, ces collines, hein, de Beaumugne, Regain, hein, le champ du monde, bataille dans la montagne, que ma joie demeure, qui, eux, ne se posent pas de questions existentielles. Ils évoluent dans une sorte d'aube de l'humanité où il est nécessaire et suffisant de vivre harmonieusement au sein d'un petit groupe d'hommes. Anarchisme réfléchi, par contre, pour les hommes et les femmes des chroniques, après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé un arrière-goût très amer de vivre et qui fait dire jamais plus. Alors on se moque bien des conventions établies, des règles, des lois, des partis de droite comme de gauche, et l'on agit selon une conviction de vie libertaire consentie et sans contrainte. Et l'homme, plein d'espoir d'avant-guerre, devient le créateur rempli d'amertume, d'accueillère à Paris, dont vous avez bien voulu me donner l'adresse. Je regrette que notre mise en rapport sentait bien chez lui. Bon. Alors, j'avais commencé à dire que par la panique où un libertaire s'exprime. Alors, c'est vrai que Poulaille, on ne peut pas lui nier cela, c'est un vrai libertaire. Et Poulaille n'a jamais appartenu à aucun parti, ni fédération anarchiste, ni quoi que ce soit. Il se disait libertaire, il agissait pour, mais il n'a jamais fait partie d'aucun groupement, d'aucun mouvement. Et Pierre Citron, dans sa biographie, là, je vais retrouver la page, page probablement 315, à un moment, il dit, je vais la lire quand même parce que ça vaut mieux, 315, voilà, Henri Poulaille, cet homme parfaitement sincère, militant courageux, excellent chroniqueur, mais pour qui le réel prime l'imaginaire, au point qu'il ne peut concevoir que chez un homme comme Genot, l'invention soit essentielle, rompe définitivement avec lui, et dans ses vieux jours, écrira sur lui un long texte très ironique, injuste et violent, souvent inexact, dans la panique, resté inédit. Bon, ben resté inédit, maintenant il ne l'est plus, puisqu'il est là, derrière. Et je me dis que quand même, puisqu'il dit souvent inexact, mais par la panique a permis finalement à Citron de donner des informations, de compléter sa biographie, notamment l'information sur la visite pendant l'été 1930 d'Édouard Pesson et d'Henri Poulaille à Jean Giono, qui promet de faire paraître le grand troupeau dans la revue Nouvel Âge d'Henri Poulaille, dans la revue numéro 1, tout en faisant quand même mauvaise impression sur Édouard Pesson. En sortant, Édouard Pesson lui dit « Moi, je ne sens pas ton bonhomme. » Il dit « Mais si, Poulaille, et que le connaît par Lucien, etc. » Confirmation que c'est bien Hélène Laguerre qui a signé le tract Paix immédiate, ça on le sait de par la panique, à la place de Jean Giono. Il y a la correspondance Lucien Jacques-Henri Poulaille, qui a été donc extraite de Pour la panique. Tout ça, tous ces éléments biographiques ont été... Alors c'est drôle parce que Citron, il n'a pas été très honnête dans cette affaire. Il s'est servi de ce qui l'intéressait. Il en a extrait même la correspondance Henri Poulaille-Jean Giono et il l'a publié dans le bulletin de l'association numéro 36 des Amis de Jean Giono. Et il a pris plein de désinformations sur les débuts de Jean Giono. Et le problème est que il a tellement fait confiance finalement à Henri Poulaille, Pierre Citron, qu'il dit que Giono a fait paraître un reportage photographique dans la revue pro-nazi Signal à la date du 1er janvier 1943. Or, Michel Gramin, qui a soutenu sa thèse, c'est le gars qui a fait aussi sa thèse sur Giono, il a fait réception de l'œuvre de Jean Giono de 1934 à 1944. Il a rectifié cette erreur et il a dit non, c'est pas dans la revue pro-nazi Signal, mais dans la Semaine. Ce qui n'a plus. Et d'ailleurs, la date n'était pas exacte, c'est le 1er janvier 1943. Et ça n'a plus aucun relent totalitaire. Signal étant pro-nazi, la Semaine n'avait plus rien de pro-nazi. Alors il a fait tellement confiance à Henri Poulaille qu'il est allé même reproduire la même erreur. Et c'est vrai que dans Pour la panique, il y a des erreurs de date, parce que ce que faisait Poulaille, il prenait ça, et puis il oubliait de mettre, par exemple ici, voilà, on m'a envoyé la feuille, style, il n'y a pas la date exacte. Alors on se retrouve un peu là, 15-16 août 1924, si on ne met pas machin, et Poulaille, lui, il était tellement fouillis et tellement foisonnant, et un gars qui était toujours en pleine ébullition, que quelquefois, alors il savait s'y retrouver, mais à un an près, la revue, c'était pas vraiment la bonne. Bon, il y a quelques erreurs comme ça, c'est pas tout faux, hein, bon. Et on a corrigé au fur et à mesure, Citron a mis des notes, hein, au fur et à mesure. Moi, j'ai rectifié au fur et à mesure. Michel Gramin, qui lui était plus branché sur toute la presse, donc a apporté plein de modifications, et même Jérôme Radvan, le responsable du service, lui aussi, il a apporté des modifications. Mais malgré ces quelques erreurs, l'enjeu majeur de l'ouvrage réside indéniablement dans la teneur et le ton des lettres, articles et reportages recopiés par la main de Poulaille lui-même. Il s'est amusé pendant 400 pages, alors allons-y, 200 pages, a recopié les articles de sa propre main ou reproduit sous leur forme de parution à l'époque. Vous voyez, quelquefois, j'ai fait paraître l'article tel quel. Est-ce que ça sort ? Voilà, par exemple ici, lettre de Jean Giono, paysan, Masse, revue socialiste. Bon là, je l'ai faite telle que c'était dans la revue de l'époque. Mais la majorité du temps, il s'amuse à recopier. En plus, il avait là, par exemple, texte très long, les volontaires, Giono, mage et prophète. Bon, et il avait une très mauvaise vue, il était presque aveugle à la fin de sa vie, et il fait ça dans les années... après la mort de Giono, c'est-à-dire dans les années 75, et il est mort dans les en 80 à peu près. Enfin, vraiment, il était devenu presque aveugle. Ce qui est intéressant en fait là, et ce que appréciaient finalement les jurys aussi, c'est que on voit des articles qui paraissent dans leur comme à l'époque et qui montrent en même temps des avis très partagés sur Giono. Quelquefois c'est élogieux pour André Billy, Louis Aragon, Henri Lambert, etc. Moins élogieux pour un Georges Friedman, Jean Rémy, Georges Sadoul, Paul Nizan. En fait, ce qu'est en train de faire Poulaï, c'est qu'il tisse méticuleusement une toile de fond historico-littéraire avec preuve à l'appui dont Giono est le centre. Au début, j'ai mis en préambule quelques pages sur Malraux. Henri Poulaï raconte qu'il a reçu un soir chez lui Malraux et avec Henri Rohrer, Malraux se sont pris de bec, enfin si on peut dire, se sont vraiment... parce que Rohrer, Malraux parlait de la Chine et à chaque fois qu'il disait quelque chose sur la Chine, Rohrer venait démolir ce qu'il disait. En fait, Malraux a rêvé d'une Chine mythique d'après Poulaï et Rohrer lui faisait voir par A plus B, que ça ne marchait pas comme ça, quoi, la vie, enfin, au moins l'histoire littéraire. Et le fait de l'avoir mis en préambule, et Poulaï le dit comme ça, le cas Malraux m'amène tout naturellement à m'intéresser au cas Giono. Et pour montrer quoi, en fait, que Giono, eh bien, c'est un fabulateur. Pour lui, il a rêvé d'être un auteur, mais finalement, il n'a fait que, pour lui, de la poétique. Le style de Giono pour Poulaï est trop plein de métaphores, il est trop plein de style. C'est en fait trop réfléchi et ça manque complètement d'authenticité et d'authentique. Et c'est ce qu'il lui reproche. Qui plus est, ils ont été tous les deux au départ... très proches, en fait, au niveau... intellectuel, au niveau à partager des choses. Bon, l'autre, il avait ses parents rempailleurs, il a été orphelin assez tôt, la vie n'était pas rose. Chez Giono, on peut dire que c'était un petit peu pareil. Et ils avaient beaucoup de points communs, mais en fait, le côté pacifiste, Poulaï ne lui a jamais pardonné en fait d'avoir répondu à l'ordre de mobilisation de 1939. Alors, il y a eu plein de problèmes entre eux, notamment la signature des doubles contrats. À un moment, Giono était quand même pas fut-fut. Il est allé signer un double contrat à la fois chez Gallimard et chez Grasset. Alors, ils se sont... Ah, je crois pas. Franchement, je crois pas, parce que ça lui a porté tellement de soucis, cette histoire, qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Alors, il était pas malin. Il était anticipé, maintenant, c'est la même maison. Oui, voilà. Il était juste un peu malin. Voilà, peut-être. Il avait des centres, il était la semaine. Oui, mais alors, après, il fallait qu'il donne le 1, le 3, le 5, le 7, le 9 à Gallimard, je sais plus où, à Grasset, le 2, le 4, mais il n'en avait pas écrit une seule ligne, hein. Et ce que lui reproche en fait Poulaï, il lui reproche d'abord de faire partie du jury devant décerner ce qu'il nomme le prix franco-allemand. Bon, créé probablement sous l'impulsion de Goebbels, c'est quand même fort. L'autre, Manoche qui dit oui, d'accord, je le fais. Après, il sait que c'est Goebbels, et puis d'un coup, il dit oh, non, mais je ne peux pas le faire. Donc, il y a des choses comme ça, le double contrat, et ça fait bondir Poulaï, pourquoi ? Parce que Louis Brun, il l'engueule par derrière, il dit, mais dis donc, ton petit copain là, il nous fait un drôle de coup, c'est allé devant les juges, enfin je sais moi, bon, ça a pris la tête de tout le monde. Poulaï, il est quand même déçu, parce que c'est quand même lui qui a présenté Giono à Grasset. D'autre part, la déception de Poulaille est encore plus grande, parce que c'est que Poulaille est un grand faiseur de revues, hein, il a fait beaucoup de revues, même peut-être trop. Il aurait mieux valu qu'il continue certaines revues au bout, c'est-à-dire qu'il en produise au moins une vingtaine ou une trentaine de sorties, enfin, plutôt que de dire je commence une revue, je fais 5 parutions et puis tap que je m'arrête parce que faute de combattants. Et c'est vrai que Giono lui fait faux bond trois fois. Il lui promet le Grand Troupeau. En fait, le Grand Troupeau, il l'avait promis à Jean Guéhenno, Revue Europe. Il lui promet le Serpent d'Étoile, il l'avait prévu aux Nouvelles Littéraires. Il lui promet Manosque des Plateaux, en fait, ça avait été déjà signé aux éditions Émile Paul. Finalement, Poulaille ne reçoit pour sa revue Nouvel Âge que le texte « Seigneur, je suis nu » qui est à la fin du Serpent d'Étoile. Bon, il rit, mais il n'y a pas de quoi rire. Pourtant, hein, Poulaille reconnaît que Giono a du talent, notamment il le dit dans l'Éclair de Montpellier du 9 février 30. Il dit « Un écrivain plus qu'un littérateur, plus apte à creuser un trou dans sa glaive qu'à se tailler une place au soleil, comme font tant d'autres venus aux lettres par désir d'arriver, plus que pour leur joie. » En fait, bon, il lui reproche un petit peu ses agissements inconsidérés. Et ce que pose Port la panique, c'est le problème de la responsabilité de l'écrivain face à son œuvre. Quand un écrivain écrit, qu'il crie au monde et qu'il écrit à Daladier désarmement universel, bah, la logique voudrait qu'il appliquât ses écrits en acte, hein, qu'il mit ses écrits en acte. Bon, certes, Giono n'a pas été un écrivain moralisateur. Hein, la littérature, a priori, n'a rien à voir avec la morale. Mais au regard de l'histoire littéraire, on ne peut rejeter l'approche littéraire politiquement correcte. Est-ce à dire alors qu'il faut décrier Madame Bovary parce que Gustave Flaubert a applaudi l'exécution des communards? Est-ce qu'on doit rejeter Voyage au bout de la nuit de Céline? Bon, ben, voilà. Que dire des Paul Léoto, Marcel Jouandeau et compagnie? Bon, sachant que l'œuvre, et ça c'est Giono lui-même qui le dit, alors le fait peut-être de s'abstenir, est toujours un portrait de l'artiste par lui-même. Oui. C'est pas lui qui l'a dit. Bon, le problème, en fait, pour la panique, en définitive, pose aussi le problème de l'engagement de l'intellectuel dans la vie politique de son temps. Et ça, c'est la dernière partie que j'avais traitée lors du colloque. J'avais parlé, effectivement, voilà, des anarchistes qui se réclamaient, enfin, que les aléas de l'histoire et que le pacifisme avait subi des aléas, puisque c'est la question quand même, le pacifisme. Et j'avais dit que des anarchistes qui se réclamaient antimilitaristes, antiguerriers, devinrent de véritables combattants, comme bien sûr Macnaud en Ukraine et Durruty en Catalogne. De plus, 16 anarchistes, donc Kropotkin et Grave, signèrent le 16 mars 1916 un manifeste approuvant la guerre et s'opposèrent ainsi au manifeste du 15 février 1915 des 35 libertaires dont Malatesta et Scapiro, conspuant la guerre, le militarisme et l'État. Les dadaïstes et les surréalistes qui exécrèrent la guerre au nom du pacifisme intégral se lancèrent dans la lutte contre le fascisme des années 30, comme un Breton qui a voulu rejoindre les rangs mais en vain, le rang des républicains espagnols. Il a voulu, mais il n'a pas pu. Il n'y a que Benjamin Perret qui s'est battu surréaliste. Oui, mais enfin, le Breton qui se réclamait pacifisme intégral a voulu rejoindre quand même les rangs des espagnols, donc des républicains espagnols. Tout le XXe siècle est en fait le reflètement de l'engagement des intellectuels de tous bords. Bon, que des Alain et Victor Marguerite, qui passaient pour des purs et durs du pacifisme, renient leur signature au bas du tract « Paix immédiate » de Louis Lecoing. Qu'un Giono réponde à l'ordre de mobilisation de 1939, alors que le Contadour était transformé en une sorte de camp retranché contre l'embrigadement militaire. Que ce même Giono signe, moins de 20 ans plus tard, la pétition de Louis Lecoing en faveur du comité de secours aux objecteurs de conscience, aux côtés de Breton, etc. Je crois que c'est un peu l'ironie de l'histoire littéraire. Certes, ni Henri Poulaille ni Marceau Pivert ne renièrent leur signature, au bas du tract. Poulaille a même revendiqué face à son juge, le juge Marchat, alors qu'elle n'apparaissait pas dans le tract original. Et même le juge lui a dit, mais bon, taisez-vous donc. Il a dit, non, mais je la revendique, écrivez que j'ai bien signé en bas. Bon, En fait, Poula, il constate que Giono, qui avait une grande influence sur toute une jeunesse pacifiste, antifasciste, écologiste avant l'heure, et désireuse de voir à travers le père de Bobby le type d'homme des temps nouveaux, s'est fourvoyée par manque d'obstination, et c'est ce qu'il lui reproche vivement. Alors, les intellectuels, il y en a eu beaucoup. C'est vrai que pendant la guerre, Sartre, ça ne l'a pas empêché d'écrire Les Mouches, et Giono, Le Voyage en Calèche, bien que ce voyage en calèche ait été frappé d'interdiction par la censure allemande. En fait, je crois que le seul reproche sérieux qu'on peut faire à Giono quant à sa supposée collaboration, c'est d'avoir publié en feuilleton dans La Gerbe, donc la revue pro-nazie d'Alphonse de Chateaubriand, Les Deux Cavaliers de l'Orange. Mais il n'a jamais écrit un seul mot, alors qu'Henri Poulain, lui, a écrit. Mais écrit pour critiquer aussi. Hein. Mais Giono s'est contenté simplement de publier Les Deux Cavaliers de l'Orage. Il avait besoin de manger. Je crois que l'AEAR l'avait mis un peu au banc des écrivains et interdit de publier pendant 2 ans. Donc, je crois que c'est la seule critique vraiment sérieuse qu'on puisse faire. Bon, je crois que c'est la guerre et les injustices en fait sociales qui déboussolent en fait les gens. Et je cite Sadoul là, qui justement dans un article qui prend position sur la guerre d'Espagne et qui dit c'est Poula qui dit par rapport à Sadoul, voilà. Sadoul fait allusion sans doute à l'antifascisme de Giono dont parlait Aragon dans L'Humanité. Giono, dans Refus d'obéissance, parlant de la guerre civile d'Espagne, était plus dans le vrai que Sadoul, qui y voyait une guerre contre le fascisme international. Dès la venue de l'aide russe, les Espagnols révolutionnaires furent les victimes des brigades, largement financées, ayant à la fois à combattre les franquistes et les embrigadés sous la bannière soviétique. Monsieur Sadoul, ne savait-il pas que lorsque l'URSS vint pour aider les révolutionnaires espagnols, les anarchistes, le Poum, les Basques, qui depuis le début luttaient les armes à la main, elle leur demanda de se dessaisir de ces armes. L'URSS voulait faire de la guerre civile espagnole son affaire. Ce ne sont pas les coulags espagnols qui payèrent la casse, mais les anards de la FAI, les gars du Poum et les Basques. Et ça, c'est Poulaï qui le dit. Bon, vous voyez, c'est un peu cette teneur-là, qui est un peu, la presse de l'époque, c'est un monde un peu en ébullition. Par contre, Pan la panique montre les affinités entre Giono et le romancier Ramuse, le Suisse, là, que vous connaissez, oui. Que Poulaï a largement contribué à faire connaître. Les rendez-vous manqués entre Giono et la littérature prolétarienne, bon, ça c'est pas top, mais enfin, bon, c'est comme ça. Les critiques de presse sur les œuvres de Giono et la polémique engagée par les gens de lettres qui portent un regard tour à tour admiratif ou courroucé sur l'homme de Contadour et son esprit d'objection. Il est aussi un témoignage sur l'engagement des intellectuels de gauche comme de droite dans une histoire qui s'emballe avec l'escalade du totalitarisme. Mais entre les lignes, tout lecteur attentif saura discerner autant le coup de colère d'un ami déçu, assurément trop absolu dans son refus de parvenir, dérivant tout naturellement de son refus d'obéir, que l'amertume d'un homme désabusé et attristé par les aléas de la vie, parce que je précise que Poulaï est resté dans l'ombre jusqu'à présent, quoi, qui parle de Poulaï maintenant. À vrai dire, ce dossier nous a un peu fatigués, dit Poulaï. Nous n'y avons point trouvé matière à beaucoup de satisfaction. Et puis, on pourrait dire, pour conclure finalement, que peut craindre l'homme Giono par rapport à Pan la panique, puisqu'il est cet écrivain majeur du XXe siècle, rien à vrai dire. Et Poulaï, qui lui consacre dans ses vieux jours quelques 400 pages manuscrites, le sait probablement bien, mais il ne peut s'empêcher d'exprimer une amère déception et une vive irritation contre cet ami d'autrefois, qui trop nourrit, alors je le dis encore une fois, d'utopie libertaire et de rêve illusoire d'un retour à un âge d'or, préfère plutôt vivre dans l'imaginaire de ses romans que de se préoccuper d'une praxis politique possible. Bon, je termine à peu près comme ça. Qu'est-ce que c'est la thèse que tu as citée, la de Michel, je ne sais pas quoi Michel Gramin, c'est Réception. C'est marqué là. Ah ouais? Oui, c'est marqué à l'appendice. C'est marqué dans mon introduction à l'appendice, là, à page 513. Là. La réception de l'œuvre de l'un de nous. Voilà, Michel Gramin, là, sur l'époque. Hein. Ah, cite pas là. Ah, alors je ne le cite pas parce que je dois le dire ailleurs, par ailleurs. Par contre, il est là, dans, dans les errata. Il m'a aidé après coup et c'est dommage. Il est à Tours. Je l'ai eu ce matin, là, par téléphone. Il est sur son téléphone, voilà. Réception de l'œuvre de Jean Genet de 34 à 44. Il a fait une thèse de 1250 pages. Mais enfin, il y a beaucoup de, tu sais, d'articles reproduits. Pas le nombre de pages qui... Non, non, mais bon, il y avait quand même Pierre Citron dans son jury. Ça s'est très bien passé, puis il continue, lui... À Tours, tu me dis? Oui, ben, je vais vous donner ses coordonnées. Et oui,